Sali, Sali, Sali. Sali, Sali, Sali. Sali, Sali, Sali. Sali, Sali, Sali. Est-ce l'aurore, est-ce la nuit? Dans cette belle œuvre d'art, ses racines l'ont plantée au milieu de nulle part. Tout est morne, ses sèches branches ont appelé l'espoir. Tout autour paraît vide, on chante sans même le voir. Soli, soli, solitaire, l'arbre solitaire. L'arbre solitaire, l'arbre solitaire, l'arbre solitaire, l'arbre solitaire, l'arbre solitaire. Est-ce l'aurore, est-ce la nuit, dans cette belle œuvre d'art, ses racines l'ont plantée au milieu de nulle part. Tout est morne, ses sèches branches ont appelé l'espoir. Tout autour paraît vide, on chante sans même le voir. Soli, soli, solitaire. Soli, soli, solitaire. Soli, soli, soli, solitaire. Soli, soli, solitaire. Soli, soli, solitaire.